Postasunez, baina zuhurtzia zartu dute berri euskalgintzako elkarteek. Pedro Sánchezen jarduneko gobernuak eskaera egin du alderdi independentisten babesaren truke. Aldiz, Europako kontseiluak aho batez onartzea ez da hain erresa izanen. Hauxe uste du European Free Alliance alderdiko lehendakari orde David Grosclodek. Grand opposant, ce soit la France, parce qu'on connaît la politique d'Emmanuel Macron en la matière, on sait qu'il s'est opposé à la loi Molac, qui était une loi qui reconnaissait l'enseignement par immersion dans nos langues. Je crains qu'il y ait beaucoup de tentatives pour empêcher l'application de cette demande. Hiru hizkuntza horien aitortza Europan begionez ikusten du Iñaki Etxaniz, departamentuko laugarren hautesbarrutiko diputatuak. C'est un sujet qu'on abordera, je pense, dès la rentrée au sein du groupe d'études dont je viens de parler, pour voir les similitudes qui peuvent être faites au niveau français, les difficultés qu'on a réussi à progresser notamment sur le brevet grâce à l'offre de la langue basque et on prendra tout ce qu'on pourra prendre et on continuera de pousser pour qu'en France aussi on vienne reconnaître toute la place qui doit être reconnue à nos langues. Horren bestez, Espainiar gobernuaren eskaera onartu izan dadin lan eginen duela, errandauk Iñaki Etxanizek. Je vais aborder cette question avec les députés européens qui appartiennent à mon parti et pour leur donner mon point de vue pour les pousser à prendre position en faveur de cette délibération portée par l'Assemblée espagnole. Donc voilà, moi je vais faire mon travail auprès des députés qui de ma sensibilité pour les pousser à accepter. Erran bezala, buruilaren 19an trenkatuko da afera Europako Kontseiluan. Bertan herrialde guztiek xuberdea eman beharko dakote Espainiar gobernuak egindako eskaera horri.